La Fédération internationale des droits de l'homme, la Fédération générale internationale des syndicats, la Fédération générale des syndicats européens et l'Organisation mondiale contre la torture ont publié une déclaration commune contre les autorités sud-coréennes qui répriment les syndicats et les partisans des droits de l'homme s'opposant au gouvernement pour la politique du travail et la violation du droit de travail.